Alors là, on est place du Mac. C'est les aubettes ici. Donc les aubettes, ce sont des stands où on peut acheter du poisson, des moules. Et tout ça, ça vient des pêcheurs dunkerquois, des bateaux de pêche dunkerquois, des quelques bateaux de pêche dunkerquois qui restent. On m'avait dit, je crois que c'était lors d'une visite au musée portuaire, on m'avait dit qu'il restait une petite dizaine de bateaux de pêche à Dunkerque. Peut-être même il en reste moins de 10 maintenant. Et donc voilà, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a une file, il y a au moins une quinzaine de personnes là qui attendent devant une aubette où on peut acheter les moules de Dunkerque, parce qu'il y a des moules à Dunkerque. Et après, il y a un autre stand où là, c'est les coquilles Saint-Jacques. Et en fonction des périodes, il va y avoir plus ou moins d'aubettes d'ouvertes, voilà, en fonction de ce qu'ils arrivent à pêcher aussi. Et on trouve aussi ici les crevettes, comment on les appelle déjà, les toutes petites crevettes, les crevettes grises, voilà. Les crevettes grises dont on fait des croquettes de crevettes à goûter absolument. Les délicieuses croquettes de crevettes à goûter absolument quand on vient à Dunkerque. C'est incontournable. Alors l'origine du mot mink qui vient du flamand, mink, qui veut dire à moi. Et en fait, quand il y avait la criée aux poissons, on criait en fait le prix des poissons et les acheteurs criaient mink, à moi, ça veut dire je prends. Et donc c'est resté en fait le mot mink qui est resté et donc est devenu en fait le lieu où on vend du poisson aux habitants. Je me rappelle qu'il y avait une procession là, surtout sur le bac d'en face, avec les prêtres de la mission de la mer qui venaient participer, et d'autres prêtres aussi, parce que la mission de la mer se trouve juste à droite, j'ai l'impression, je pense. D'accord, ça a changé de bassin, ok. En fait, c'est des souvenirs d'enfance, donc une très grande fête. Il y a une bénédiction de la mer à la fin de la procession. Il y a des petits bateaux partout en mer. Et ces klaxons de bateaux là, qui donnent une ambiance sonore, justement, qui me donne la chair de poule à chaque fois. Bah, les bazaines qui sont en costume traditionnel. Et bah, c'est elles qui portent la statue. C'est ça? Là, voilà. Donc les bazaines en costume traditionnel portent sur un espèce de tréteau, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit brancard, la statue de la Vierge qui se trouve dans la petite chapelle. Et cette statue est celle qui, traditionnellement, est connue pour être celle qui a été retrouvée en 1403, quand on a creusé les fortifications bourguignonne, hein, et elle a été retrouvée en fait dans les dunes au moment du creusement des fortifications, et à côté d'elle a jailli une source, hein, et c'est pour ça qu'on a construit en fait la chapelle à cet endroit-là, ce qui est toute une légende qui raconte que la statuette de la Vierge a été déplacée plusieurs fois et systématiquement on l'a retrouvée à sa place d'origine, donc à côté de la source, et c'est pour ça qu'on aurait construit une chapelle à cet endroit-là. Elle ne s'appelait pas Notre-Dame de la Source ? Si, tout à fait. De la Fontaine.